mtu wa kustahili kumbingu. C'est le mal lui-même. Ndiye peke yake. Alors. Asi. Nous sommes dans la joie. Eti tuko katika furaha. Tu viens de chanter. Natoka mukuimba. Tu n'as pas somnolé. Akulale busingizi. C'est quand je vais prêcher. Wakati tutahubiri. Et tu vas somnoler. Njoo uanze kulala. Bon, vous acceptez que quand quelqu'un travaille, qu'on lui paye, non? Ah, shibanisho miambia, kama mtu yuko natumika, shibanamu lipaka. L'ouvrier mérite son salaire, non? Mufanya kazi, anastahili mshahara yake. Ah, vous acceptez que quand quelqu'un travaille, unaitikia wakati mtu anatumika, il doit être payé. Banapashi bamulipe. Bon, quand il commet l'impudicité, kama unatenda msharati, c'est pas un travail? Na hiyo shini kazi. C'est un travail. Shinikazi. Quand il critique les autres. Wakati unabeula bengine. Bon, c'est pas un travail. Eti, haina kazi. Vous n'acceptez plus. Amuitikie. C'est un travail. Shinayo ni kazi. Quand il parle à mal les gens. Wakati unasemea watu vibaya. C'est pas un travail. Shinikazi. Quand il avorte. Wakati una. C'est pas un travail. Tosha mimba. L'ouvrier. Mutenda kazi. Mérite son salaire. Anastahili mshahara yake. Tu travailles, tu dois être payé. Bana pashi bakulipe. Tu as travaillé, uko natumika. Et on te paye. Na bana kulipa. Quand tu viens en retard à l'église, unakuwa nyuma mukanisa. C'est pas un travail. Shini kazi. N'abandonnez pas vos assemblées. Mushache makutano yenu. Toi ton assemblée c'est sur l'internet. Wewe kanisa yako ni paka internet. Même si tu ne fais rien. Hata kama una je vais suivre en ligne. Mimi nitafuata mahubiri kumtandao. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. On ne dit pas je suis dans la joie quand je suis la prédication en ligne et que tu ne fais rien. Je vais suivre en ligne. Mais quand en ligne n'était pas là, tu faisais comment? En ligne n'était pas là. Tu venais ici, non? Depuis que en ligne est venu, tu es en ligne. Mais tu ne fais rien. Tu n'y travailles pas. Je vais suivre en ligne. L'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas un cadeau. Aina zawadi ya bure hapana. Tu as travaillé. Ulitumika kwanza. On te paye. Njoo bana kulipa. C'est ton salaire. Ni mshahara yako. C'est ton droit. Ni halali yako. J'ai travaillé. Nilitumika. Jésus doit me payer. Yesu anapata. C'est mon droit. Ni halali yangu. Toi aussi tu travailles. Na wewe unatumika. Bon, tu travailles pour qui? Unatumikia nani? Kita engagé. Nani alikubeba mkazi? Et qui doit te payer? Nani wa kulipa? Parce que tu dois connaître ton maître. Unapashi kujua bwana wako wa kazi. Tu dois connaître ton DG. Unapashi kujua DG wako. Ton directeur général. Directeur général. Moi mon directeur général. Ni directeur wangu. C'est Jésus-Christ. Ni Yesu Kristo. Je travaille pour lui. Ni kuna mtumikia. Toi tu travailles pour qui? Wewe yuko unatumikia nani? Levons-nous pour lire la parole. Tusimame juu ya kusoma neno la Mungu. Prenons, mettez-moi 1 Timothée 5. Unieke Timote wa kwanza sura 5. Verset 18. Mustari ya 18. Car l'écriture dit. Kwani andiko yuko nasema. Tu ne miséreras point le bœuf quand il foule les grains. Auta mukataza ngombe wakati eko natondola ngano. Et l'ouvrier. Na mfanya kazi. Mérite son salaire. Anastahili mshahara yake. C'est ça notre prédication d'aujourd'hui. L'ouvrier mufanyakazi mérite anastahili son salaire. Mushara yake. Pouvez vous asseoir. Munawezi kuikala. Amen. Amina. Amen. Amina. L'ouvrier mufanyakazi mérite anastahili son salaire. Mushara yake. Pour qu'on te paye, juba kulipe, tu dois d'abord être l'ouvrier de quelqu'un. Kwanza napashi kuwa mfanyakazi wa tu dois avoir un travail. Napashi kuwa na kazi. Et on te connaît wabana kujua, que tu travailles dans cette entreprise-là. Tumikaka mwile kazi. Et ici, apa, si tu dis que tu es chrétien, kama kwamba uko ça veut dire que tu travailles na dans l'entreprise de Jésus. Unatumika mukazi ya Yesu. Tu dois faire les commandements de ton directeur général. Amri ya directeur général wako. Notre DG nous dit. DG wetu anatuambia. On doit être à l'église à temps. Pour écouter la parole. Toi, tu es toujours en retard. Mais on va te révoquer. Tu ne suis pas l'ordre. Parce que même dans l'église, il y a l'ordre de l'église. Et dans la parole, il y a aussi l'ordre. Amen. Amina. Je sais que tu es calme, c'est bien. Mina yo sa unekale kimya ni mzuri. C'est très bien d'être calme. Ni mzuri kuikala kimya. Tu travailles pour qui? Uko natumikia nani? C'est lui qui t'a engagé. Ula alikubeba kazi. Qui t'a engagé, frère? Ni nani ula alikubeba kazi nduku? Parce que si c'est Dieu, Dieu kama ni Mungu, tu ne peux pas vivre de la manière dont il vit. Hawezi kuishi muina muna huku naishi. Tu vis comme si Dieu n'existe pas. Unaishi sawa Mungu. Tu vis comme si la parole ici n'est pas la vérité. Huku naishi sawa hii neno haina ukweli. Tu jettes le propre à la parole. Unaleta haya. Aujourd'hui l'église est pleine. Leo kanisa na yana. Mais il y a des gens qui ne travaillent pas ici. Demandez-les. Vous étiez où? On a suivi en ligne. Tulifuata kumtandao. Ma sœur, tu étais où? Dada yangu ulikuwa wapi? On a suivi en ligne. Tulifuata kumtandao. Mais tu ne travailles pas. Wewe utumikake. La Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. Biblia nasema msiache makutano yenu. Quand ils nous suivent en ligne, tu n'es pas à l'église. Hauna mukanisa. L'atmosphère de l'église, c'est à l'église. Ni mukanisa. À la maison, c'est à la maison. Kunyumba nako ni kunyumba. À la maison, tu peux suivre. Unyumba, on a et vous m'allonnez un toque, là-bas, tu parles d'abord ouvrir. Manapika odi, unenda funguliana mlango. C'est qui? Ni nani? Tu suis la prédication? Mungani, mais un moment donné, wakati mafulani, vous critiquez d'abord. Mwona beulana mbele. Tu mets d'abord la pause. Unasimamisha kwanza mahubiri. Eh, tu sais. Unayua. Le frère là qui prêche là. Ule ndugu ule unahubiri kwanza. Il prêche quoi? Eh, unahubiri vitu. Attends, il prêche, écoute. Acha mbele. Acha mbele. Unevikata mbele. Mais tu suis en ligne. Lakini unafuata mtandao. Amen. Amina. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt pour écouter la parole? Eh, tuko tayari kwa kusikia neno la Mungu. L'ouvrier. Mufanya kazi. Mérite. Anastahili. Son salaire. Mshahara yake. Bambala, prenez-moi un Corinthiens 3:3. Wa Korinto wa kwanza 3:3. Maintenant, c'est le masama mon tableau, je vais lire. Mnieke to atakubao ntasoma. 1 Corinthiens 3:3. Msura 3 mstari ya 3. Wa Korinto wa kwanza sura 3 mstari ya 3. Allez-y papa. Nisome papa. En effet. Kwa kuwa. Puisqu'il y a parmi vous de la jalousie. Merci, merci papa. Sa vile katikati yenu peko buivu. Puisque. Sawa vile. Il y a parmi les païens. Eti ni katikati ya wapagano. La Bible dit. Biblia inasema. Puisque il y a parmi vous. Sa vile katikati yenu. De la jalousie. Peko buivu. Parmi les chrétiens, parmi les prédicateurs, parmi les diacres, parmi les diacres, les prédicateurs, il y a la jalousie. Un prédicateur qui est jaloux d'un autre prédicateur. Donc, il y a un autre prédicateur. Il y a un autre prédicateur. Il y a un autre prédicateur. Azo sepelate. Ashifuraikie. Akoyate. Astakuya. Nakolanda ya nini. Nantamufata kutandao. Puisque. Ju. Parmi vous. Katikati. Il y a de la jalousie. Mubuivu. Predicateur jaloux. Mubiri wabuivu. Ancien jaloux. Muse wabuivu. Diacre jaloux. Shemashi nabuivu. Administrateur jaloux. Muzamini nabuivu. Frère jaloux. Duku nabuivu. Okokufa na tension frère. Utakufa tu na hypertension. Jalousie ko boma yo prédicateur. Mwivu takuwa we mwivu. Okokufa pamba. Utakufa tu bulle. Si ils sont ceux qui sont. Kama beko bile beko. C'est la grâce de Dieu. Ni neema ya Mungu. Si je suis ce que je suis. Kama niko kile. C'est seulement la grâce de Dieu. Ni neema tu ya Mungu. Pourquoi tu es jaloux? Okokufa na tension. Utakufa tu na hypertension bulle. Frère jaloux. Bimana jalousie lelo. Toka mubuifu lelo. Maser. Dada. Tika jalousie. Acha buifu. Bimana jalousie lelo. Toka mubuifu ya. Bimana jalousie. Toka mubuifu. Sere jaloux. Dada wabuifu. Arnisateur jaloux. Muzamini wabuifu. Prédicateur jaloux. Ubiri wabuifu. Il prêche quoi d'abord? Et on a oublié de venir tout canicule. Ah frère. Ah Ntuku. Sim c'est moi. Comme il quoi mille. Non. Apan. L'église. Kanisa. Et en mouvement. Il passe au tenka. Comme moi je prêche. Frère. Wakati mini kuna ubiri. Non. Apan. L'église. Kanisa. Oh tout le monde partait. Bantu bote chini. C'est que tu prêches c'est ta parole. Bilo on a oublié ni neno lako wewe. C'est ta parole à toi. Yeti ni neno lako wewe. Il y a parmi vous, katikati pas parmi les païens, apana, katikati parmi apana, nous, katikati les empoisonnements, parmi les frères, les prédicateurs. Aujourd'hui, les prédicateurs marchent avec leur micro. Ubiri, na ma micro yabo. Il ne peut pas aller prêcher avec le micro des gens. Non, frère, ne me donnez pas votre micro. Apana, micro j'ai ma micro ici. Na frère. Micro yango mimi. Pourquoi? Ya nini? Il y a la jalousie. Il y a la jalousie. Même parmi les hommes de Dieu. Hey. Et puis vous n'êtes pas les hommes de Dieu. Vous êtes les serviteurs des enfants de Dieu. Vous êtes des boys. Hey. Boy yabana nanzam. Ba boy yabatoto ya mungu. Bino bosa ba travailler. C'est pourquoi quand tu sais que c'est toi qui vas prêcher. Tu pars chez ton maître là-bas. Mais tes enfants vont manger quoi aujourd'hui? Est-ce que si je prêche la foi aujourd'hui, ils vont bien manger? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin de la divinité aujourd'hui? Non, non, aujourd'hui ils ont besoin de l'ouvrier mérite ton salaire. Bon, merci papa. Comme tu m'as donné déjà la nourriture, je vais seulement mélanger les ingrédients pour donner à tes enfants. Tu es serviteur des enfants de Dieu. Ils sont des chefs. Bon, ils dorment. Banalala, go, il est là-bas. Go, yeko pale. Qu'est-ce que la divinité? Bon, mungu wa Yesu, la divinité, c'est Jésus, comme ça, comme ça. Yo, la limpongi. Mais bon, il n'a yo. Boy wako. Azonu ke la biloka kolia. Eko na kutafutia biakuria. Mais il y a la jalousie. Les prédicateurs qui voyagent avec des miels. Bon, qui m'a poisson. Le meilleur miel, c'est Jésus-Christ. Quand il y a Jésus, c'est le miel nécessaire. Il y a parmi vous de la jalousie. Administrateur jaloux. Oh, moi, si on me mettait administrateur, j'allais déjà tout changer. Biote. Osanne jaloux. Ah, le diacre là. Ah, il ne travaille pas bien dit. Ah, moi, si le frère Ngoï me nommait diacre, on va te mettre un diacre et un soulard comme toi. Atakueka shemash we mulevi sa we. Un païen comme toi qui a des femmes et puis on va te mettre diacre. Un païen avec des cheveux blancs. Nous, nous sommes des anciens de Cambodge. Que tu es ancien ici. Mais ta vie ne prouve pas que tu es ancien. Être ancien, c'est avoir le Saint-Esprit. Un païen modéré. Mupagano tu wa kizungu. Il y a parmi vous de la jalousie. Katikati yenu kuku buivu. Sere jaloux. Dada wa buivu. La chorale est là d'abord. Mulo kwa yakuli. Il ne chante, hey. Il ne chante même pas bien. Avemba kata muzuri. Rien. Hakuna kitu. Là-bas là la chorale. Mais toi viens chanter ici. Sasa we kwa imba huku. Quitte là-bas. Viens chanter ici. Comme toi, tu connais bien chanter. Viens, on va te mettre directeur de chant. Viens entonner les cantiques. Jaloux. Jalousie. Bimana jalousie. Sera la timo robe na ye. Azo tambola. Azo denda. L'autre sœur dit. Dada mwingine anasema. Ah, la sœur est beauté, elle est bien sortie. Dada anatoka mzuri bina mwenye. Ye place aza. Ye kule eko. Elle est bien sortie, mais. Ah, binam toka mzuri. Mais nini? Alakini. Juu ya nini? Et si elle a dit déjà? Mais ya nini lisusu? Ni nini tena tongeza? Jalousie. Bwevo. Elle était bien habillée, mais. Ah, arrive la mzuri. Les cheveux. Il a fallu qu'il amène ça à toi. Manuel yake arpashi kuipeleka. Oh. Amemasuna droite nini? Eh, ipeleke kukume. Ye modeli na ye asepele acha na gauche. Modeli la rifurahiki anaweka kushoto. Oza jalouse. Una buivu dada weye. Bima na jalousie. Toka mubuivu mule. Asemater. Asubuhi ya. Sora na jalousie. Toka mubuivu. L'église n'avance pas. Kanisa yendele. Parce que ya parmi nous. Du katika. De la jalousie. Ko buivu. Même à la chair. Hata kumimbari. Il y a des jaloux. Huku bantu ba mabuivu. Ozosa la complot. Où on a fait un complot. Obo ma pasteur na yo. Umuwe pasteur. Est-ce que vous avez les mêmes capacités? Eti mungu na mauwezo moya. Frère. Duku. Si votre pasteur partait. Kama pasteur wenu anenda. Ngo inda sera irremplaçable. Ngo inda yakuno la tamukombola. Papa mbala se papa mbala. Papa mbala ni papa mbala. Ndai se ndai. Ndai ni ndai. Se predicateur se predicateur. Mwiri na ni mupi. Moi se moi. Mini miye. Et nous ne prêcherons pas de la même manière. Chacun de nous, Dieu nous a donné selon les dons qu'il nous a donnés. Pourquoi tu es jaloux de l'autre? Est-ce que moi je peux enseigner comme votre pasteur? Votre pasteur ne peut pas rouler comme je roule comme ça. Jamais. Il va prêcher du début jusqu'à la fin. Là-bas. C'est ça avec Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de variété. Mais il y a parmi nous de la jalousie. Oh, Bima, la jalousie. Sœur est jaloux. Frère est jaloux. Bima. Diacre est jaloux. Ancien jaloux. Frère est jaloux. Prédicateur est jaloux. Ah! Si moi j'étais la femme du pasteur, dans cette église, oui, ils allaient sentir. Kushikia. Bon, on va sentir quoi? Nini? La femme du pasteur d'abord ne s'habille même pas bien. Pasteur, regardez aujourd'hui. Ici, elle a mis jaune. Ici, c'est vert. Là-bas, c'est chocolat. Ma chocolat. Hey. Elle doit être à la mode. Nous ne sommes pas à la mode. Notre mode, c'est la parole. Attends, la lati jaune. Vert. Noir. L'essentiel, mon âme. Hein? Et en ordre avec Dieu. Il y a parmi vous de la jalousie. Bon, sœur, vous en avez 13 ans. Dada, on a quoi, na miaka 15. Tu es jalouse, nini, maman de 50 ans. Bon, où est-ce que nini? Munafuya na e nini? Bowelele mobali. Munafuya buwana. To vous en avez kindoki, minu mibale. Muku na buloshi mwebote bawiri. Mama wana. Ule mama ule. Nalinga kayete. Mishi mpenda. Boweleli nini? Unafuia nini? Quand je vois cette mama là. Wakati mimi namuona tu le mama. Elle m'énerve. Ananishirikishaka. Sere di message. Dada wa ujumbe. L'ouvrier. Mufanya kazi. Mérite son salaire. Eko na stahili mushara yake. Si je dis venez ce matin. Kama Yesu akikuwa asubuhi. Toi tu vas partir. Eti wewe unaenda. Avec ta villa. Na ile hali yako. Fredi si. C'est Dada. Si frère Jésus venait. Kama Yesu akikuja. Tu vas partir? Eti utaenda? Continue un peu là-bas. Wendele kwanza na kusoma. Continue. Wendele. Parce puisqu'il y a parmi vous de la jalousie Juka, et des disputes. Merci papa. Katikati yenu kuku buivu na makokotano. Il y a de kuko nini? Des disputes. Makokotano. Pasteur. Pasteur. En tout cas, moi, mie, je ne suis pas convaincu, pasteur. Michia Ichikia. Frère, Dieu merci. Duku Dieu merci. L'écriture qu'il a lit là. Il est andiko alisoma il. En tout cas, moi, mie, cette écriture là. Il est andiko il. Je ne suis pas convaincu. Michia Ichikia. Des disputes parmi nous. Katikati yenu. Surtout les prédicateurs. Zaidi baubiri. Les prédicateurs ne demandent jamais pardon. Mais quand ils montent à la chair, quand ils sont ici, frère, vous devrez changer, frère. Frère, vous irez en enfer. Lui-même ne peut jamais demander pardon. Les prédicateurs que nous sommes, nous ne demandons jamais pardon. Nous avons toujours raison. Et les meilleurs hypocrites, ce sont des prédicateurs. Et ils ont toujours raison. Ils connaissent toujours les Écritures. Mais vous oubliez que quand nous faisons ça, mon frère, il y a combien de doigts qui rentrent? Une, deux, trois, quatre. Nous donnons un cartouche et quatre cartouches nous reviennent. Nous, les prédicateurs, nous serons jugés des hypocrites dans nos églises. Frère, shalom, frère. Shalom, frère, Duku, des disputes, makokotano, des disputes, makokotano, des disputes, makokotano, parmi les sœurs, katikati ya badada, des disputes, mabubishi, parmi les mamans, katikati ya des disputes, même dans la chorale, ils chantent dans la même chorale, moja, ils ne s'entendent pas, anakini ya wasikilizane, ils font semblant de venir chanter, kuimba, de danser en esprit, kucheza mukiro. Frère Branham dit, Duku Branham ne faut pas sauter, haipashi guluka, à la hauteur de ta foi. Kushindia imani yako. Quand tu sautes comme ça, wakati unaluka, tu dois être ici. Unapashi kuwa na akikisho, que quand je saute comme ça, minaluka, je ne vais pas achoper quelqu'un qui est à côté. Mais si tu sautes comme ça, mais que ta vie n'est pas en ordre, tu es en train d'achoper quelqu'un qui est à côté de toi. Mutu mwa eko pembeni, tu veux sauter, unapashi kuluka, frère, regarde. Anakuangalia. C'est là qui saute, là, c'est qui? Ule dada naluka ni nandi? Ah, bana. Elle saute. Et on a luka na kuluka. Ah, ah, ah. Même quand il chante là. Hata wakati ile uko na imba. On se connaît non? Tunajuana aina vile. Napika maringa. On te regarde. Bana kuangalia. Nous regardons ta vie. Tunaangalia maisha. Nous regardons pas les danses en esprit. Atuangalie kucheza mukiro kuloko na cheza. Parce que Dieu veut utiliser même un chel. Anaweza utumikisha hata cheli, cheli. Cheli na lingala mosi ya ndumba. Ah, ndumba. Ah. Mwanamke ndumba. Terminé papa. Umalize. N'êtes-vous pas charnel? Ah. Eti amuna bakimwili. Kati ya jalu. Wakati uko na bwivu. Kati eti ya de dispute. Wakati uko na makoko. N'êtes-vous pas jalu? Eti hauna. N'êtes-vous pas charnel? Hauna wakimwili. Frère charnel. Nduku wakimwili. Sœur charnel. Dada wakimwili. C'est pourquoi tu as toujours des pensées charnel. Ya kimwili. Mama ya 50 ans. Mama wa miaka makumi tano. Mais il fait tout un problème à la maison. Mamba kumulango. Pour une robe de $20. Anafama kelele juu. Na azina yo wana. Na kanzu ya $20. Na azina yo. Miaka yako mule. Robe ya $20. Nkanzu ya $20. Ngana lobi. Mimi na. Soki robe wana imona ni te dimanche. Kama ile kanzu ayonekane mu dimanche. Semeni mobimba tokolamba te. Juma muzima tu. Frère, ne faut pas acheter ça. Tukushi muji yeyo. La femme ne commande pas. Elle demande. Analombaka. Chérie, Mupendo, si c'est possible, kama quand tu auras l'argent, est-ce que tu peux m'acheter la robe là que j'avais dit? Mais toi ne viens pas avec des commandements. Ngana ndako na lobi. So qui robe est mon anité. Et puis tu commences à craquer la porte. Ndako oyo tonga. Hii nyumba wenje orienga. Wakati bari kubeba kwenu ulikuwa na nyumba. Bayene. Mupagano we mwanamke. Ici tu viens. Kama unakuja hapa. Avec une comme si c'est une mama chrétienne. Unakuja sawa mama mu Kristo. Ini critiquez. Wa kubeula bantu. C'est elle qui connaît. Yenjo anayua. Les secrets de cette église. Siri ya hii kanisa. Mama. Mama. Si tu veux être commissionnaire, kama unapenda kuwa commissionnaire, sois commissionnaire de maison. Ukuwe commissionnaire wa ne sois pas commissionnaire de mariage ici. Ukuwe wa kutafutiana babwana umu apana. Kena kosala ki commissionnaire. Ndio fanye bu commissionnaire. Na kosala kana na babiloko ya immobilier kuna. Hata mambo ya manyumba kule apa. Ya bolukela kama watu bandako. Kosala commissionnaire ya mabala ya bana batu wa wate. Commissionnaire wa bantu kutafutiana. Yo kama commissionnaire. Wewe unakuwa commissionaire. Soki na lingina bala. Kama napenda kuoa. Il faut aller voir mama. Il faut nione mamba fulani anitafutie. commissionnaire. Na église yoy. C'est toi qui commissionnes les mariages. C'est toi qui donnes les liens. Même les numéros. C'est une bonne sœur. En tout cas, toi et lui. Je vous ai même rêvé. Baraka. Dans les mariages des gens, tu es spirituel. C'est toi qui vois. Maman voyante. Maman wakuona. Maman voyante. Maman wakuona. Hein? Hein? Maman voyante. Maman wakuona. Ça là qu'est l'église na yote. Shufanye kanisa yako. Obeng sakabatu. Uite bantu. Otala kabango. Wanze kubaona. Ba mama na yo bamonaka. Ba mama ako banaonaka. Basala kaba iglesi na bango. Bale banaonaka banafanya makanisa yao. Yo besala ya yo. Na we fanya yako. Olele nu deranger ici. Yako kutuji umu. Je vous avais vu vraiment. Miri miona kweli. Tu veux épouser qui? Unapenda kuoa nani? La fille qui reste chez la maison du pasteur. Ule binti anagala kwa pasteur. Vous ne connaissez pas les choses. Il faut demander à nous les anciens. Nous les mamans. C'est pour que vous tombez dans les trous. Il faut nous demander. Nous. Kutuliza Yaka. Kuya. Mwana ya kwa wafana kandako pasteur. Mwana anagala kwa pasteur. Tu connais chez les diacres. Mwana kwa chemashi flan. Ya ini très jeune fille la bien là. Binti mwa mzuri. Avec ton teint. Na rangi yako. Avec ta façon de t'habiller. Na namna kwa la il. En tout cas. Ah. Avec elle. Na ye. Sans problème. Ah, mutenea na mzuri. En tout cas, sans problème. Ah, mais là-bas où tu veux aller là-bas. Je n'ai dit rien. Ah, je sais mais je te conseille en tant que maman. Sinon, bon. Je n'ai rien à voir là-bas. Seulement conseille. Hein. Conseille nini wana uzopesa shauri kani ile unaleta weye. C'est pourquoi même dans les messages, il y a des divorces. Je crois que je suis en train de me faire un peu. Les mariages commencent là-bas, là-bas. Ndoa inaanzia pale. D'abord la prière. Kwanza ni maombi. Amen. Amen. Maman commissionnaire. Mama wa kutafutia baba. Est-ce que tu peux laisser à partir aujourd'hui? Eh, tunaweza kuacha michezo yako leo. Sala kwa commission ya kusomba kama mituka. Fanya ma commission ya kujiana miotoka. Sala ba commission ya bandako. Fanya ma commission ya kujiana miotoka. Sala ba commission. Fanya ma commission. Na hebi te soge kuteka kanini? Mishiwe kama ni ya kujiana. Pas de commission avec les enfants d'autrui. Hapana ma commission na batoto. Tes propres enfants? Tes propres enfants. Batoto yako mwenyewe. Ne se marie pas. Abaoane abaolewe. Ne tie commissionnaire. Ba huku natafutiana. Les enfants d'autrui. Batoto ba wengine. Eh. L'ouvrier mufanya kazi mérite. Anastahili. Son salaire. Mushara yake. Si Jésus venait ce matin. Kama Yesu akikuwa asubuhi ya leo. Il va partir. Et tu tenda. Même si tu ne dis pas amen. Ataka mauseme amina. Ta conscience. Zamiri ya konda. Iku na kuonesha. Fais personne ne veut te tromper sa conscience. Hakuna mtu wa kudanganya zamiri yake. Le problème aujourd'hui dans nos églises. Mambo ya leo makanisa yetu. On a des inspecteurs. Tuko na ba inspecteur. Même à la chair. Hata kumimbari. Des prédicateurs inspecteurs. Mahubiri ba inspecteur. Quand l'autre prêche. Wakati mwingine unaona. Il ne vient pas avec sa Bible. Ashikwe na Bible yake. Ni avec son carnet. Wala na carnet yake. Lui est là-bas inspecteur. Yeko tu pale wa kuangalia. Il ne dit pas amen. Ashiseme amina. Inspecteur. Ma inspecteur wa kuangalia. Il est là-bas. Yeko tu pale. Il regarde celui qui prêche. Yeye unaangalia yule uko na hubiri. Il bouge ses jambes. Anatengesha mikulu yake. Il a ni la Bible, ni son carnet. Prédicateur inspecteur. Mubiri inspecteur. Les frères Banduku d'aujourd'hui, Baleu. Il peut manquer sa Bible, kosa Biblia yake. Mais pas les méga. Alakini asta kosa ma méga. Les frères et les sœurs. Elle peut manquer la Bible. Mais les méga. Pour regarder TikTok, Facebook, WhatsApp, Instagram, ça ne peut pas manquer. Mais la Bible. Azana Bible était. Mais les méga. Ma méga. Là, il regarde. Ah, eko nangaria. Il a les méga. Eko na mamega. Mais tout est moi. Mais la Bible, Biblia. Qui coûte 8000 francs, 8000 francs tu il n'en a pas. Ananayo. Tu vas au ciel. Le ciel de qui? Mbingu ya nani? Ya papa na yo. Ya baba ya. Tu crois que le message c'est pour ton père? Le message c'est pour ta mère. Tu joues avec la parole. C'est parce que Dieu te donne encore le souffle de vie. Mais il y aura un jour, indépendamment de ta volonté, le Dieu du ciel prendra soin de toi. Tu joues parce que tu as la bonne santé. Tu joues parce que tes habits te conviennent encore. Mais il y aura un jour, tes propres habits ne vont plus te convenir. Même l'eau à boire, il y aura quelqu'un qui va commencer à te dire, bois non, bois même un peu. C'est ce jour-là où tu vas reconnaître qu'il y a un Dieu quelque part. Et ça sera trop tard. Et ce matin, Jésus te dit, il y a Kato Bongisa. Jésus t'appelle. Il te dit, quel que soit tes problèmes, il y a Kato Bongisa. Est-ce que Oko Bongisa na Yesu télé? Tu peux arranger avec Jésus? Utatengeneza na Yesu? Amen. Amen. Quel que soit tes problèmes, ijapokuwa mambo yako. C'est le monde ni dunia qui dit que kunasema, nous sommes assez. Ah, tukuba mingi, mais le Dieu du ciel, il te dit, anakwambia, même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie, sawa, le Dieu du ciel a un détergent. Eko na dawa, le sang de Jésus damu ya Yesu est encore là. Ingariki, même ce matin, si tu te repens, tu demandes pardon, Dieu va te recevoir. Même si tu as avorté mille fois. Amen. Amen. Même si tu as volé 10 000 fois. Si tu te répands sincèrement, le Dieu du ciel va te recevoir. Un frère qui n'a pas la Bible, mais il a les méga. Une sœur, dada, elle n'a pas la Bible, Biblia, mais il a les méga. De chaque jour, ya kila siku, frère, nduku, qui appelle des appels vidéo, chez nos sœurs. C'est plus les péchés qui nous cherchent. C'est nous qui cherchons les péchés. Les frères, il y a frère et frère. Frère, même les prédications qui passent en ligne, tu verras un frère, il est de méga, mais il ne peut pas regarder la prédication. Il préfère regarder TikTok. Il ne peut pas commenter la prédication. Il ne peut pas mettre un j'aime. Il préfère regarder les bêtises avec son téléphone. Téléphone, mais il y a la prédication qui passe. Et il connaît même ses frères là qui prêchent. Il ne peut pas regarder. Il préfère TikTok. Là où il y a des bêtises. Ma sœur. L'argent de méga. Feza yakuza méga. Tiana. Mais l'argent de l'offrande. Feza ya sadaka. Yana pas. Aina. Le panier de l'offrande passe. Il ne donne rien. Mais il a l'argent de méga. À la sortie, il achète 1 giga. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Demande à Dieu ce matin qu'il t'aide. Et reviens dans la parole. Jésus te cherche. Yo pesa que Yesu mbongo. Wewe umpatia Yesu fedha. Agende kutonga lola. Enda kwa akayenge kumbingu, akayenge kumbingu. Non Seigneur. Oh bwana. Je t'ai donné mon argent en avance. Nili utangulia kupatia fedha. Quand tu vas partir au ciel. Wakati utenda kumbingu. En tout cas, moi je ne peux pas rester. Mishi tabakia. Je t'avais donné l'avance. Nili kutangulia kupatia avance. Tu avais donné l'avance à Jésus. Umpatia Yesu avance. Si toi tu ne vas pas au ciel. Kama waende kumbingu. Nous on va manquer quoi? Si. Tutakosa ko nini? Pasteur, si tu ne vas pas au ciel, nous on va manquer quoi au ciel? Tutakosa nini kumbingu? Si toi tu restes, kama wewe ukibakia, Jésus va manquer quoi? Yesu atakosa nini? C'est ce matin. Jésus t'appelle dans les cas. Yesu anakuita mupole. Jésus t'appelle dans le calme. Jésus a déjà ses enfants qui sont prédestinés à aller au ciel. C'est pas toi qui refuses Jésus. C'est Jésus qui te refuse. Mon frère, on a prêché là. Moi, je ne peux pas accepter la parole. C'est ton problème. Jésus a déjà ses enfants prédestinés à l'ouvrier. Mérite son salaire. Et ce matin, regarde-toi un peu. Si on prenait la Bible et qu'on l'enterrait, est-ce que ta vie peut prêcher quelqu'un? Frère à Coran, on prenait la Bible. On enterre la Bible. Ta vie peut amener quelqu'un ici? Tozui Bible. Tokuni yango. Tunaizika. Vina yo. Maisha yako. Eko mema mtu wao. Eti nesi kuleta mtu hapa. Mtu pea bongwani. Mtu ageuke. A cause de ta vie. Juu ya maisha yako. Les gens ne viennent pas à l'église. Bantu abako kanisa. A cause de ta vie. Juu ya maisha yako mbaya. De ta mauvaise vie. Maisha yako ya mbaya. Tu es en train de faire fuir les gens. Tunakimbisha watu. A cause de ta mauvaise vie. Maisha yako ya mbaya. Ce matin, Jésus te dit. Yesu anakuja. Yaka tosolola. Kuya tusikilizane tuongee. Il chante dans la chorale. Avec une mauvaise vie. Mais pourquoi tu es là-bas? Toi, tu crois qu'être ici, c'est aller au ciel? Toi, tu crois que prêcher comme ça, je vais aller au ciel? Non! J'irai au ciel par rapport à mon travail. Si je suis sincère, c'est ça qui m'amènera au ciel. C'est pas la prédication. Il y aura des prédicateurs qui vont rater l'enlèvement. Sœur à chorale. Dada wa ukwaya. Une sœur légère. Dada tu wa ovyo ovyo. Sœur pépélé. Dada wa ovyo ovyo. Ya chorale. Wa kukwaya. Nous, quand on grandissait, si, wakati tukua na komeya. Quand on étudiait au lycée, wakati tukua na funda à l'internat. Ma internat. Toucher une sœur, mais pas une sœur, mais toucher seulement ton collègue fille, kugusa tu mwenzako binti. Comme ça, kumubamba tu hivi. Comme ça, kumubamba paribek. Et la main, ta main, mukono yako. Passe par-dessus de son uniforme, inapita tu pa yule uniforme, s'il se sent, pa mamajiba yake. Tu es renvoyé de l'école, bana kufukuza kumasomo. Si elle t'acquise, kama na kustaki, on te renvoie, bana kufukuza. Si elle est mauvaise, kama kwa romba, si elle part au bureau, kama kenda ku bureau, on te renvoie. Bana kufukuza kumasa. Mais nos sœurs d'aujourd'hui, nos frères d'aujourd'hui, un frère, toutes les sœurs, connaît ton corps du début à la fin. Même comme tu es habillé là, on te voit déjà. C'est toi qui te vois que tu es habillé. Mais toutes les sœurs là que tu as connues, elles te voient et nuit. Frère du message. Fais l'impudicité ou la débauche. C'est pas seulement aux femmes. Il n'y a pas une écriture qui autorise les hommes de coucher les femmes avant le mariage. Je reprends. Même si tu n'y dis pas amen. Il n'y a pas une écriture qui donne l'autorisation aux frères de coucher les sœurs avant le mariage. Tu as écouté? Il n'y a pas une écriture. Non, c'est les frères, les femmes, frères. Non, non, nous sommes les hommes. Qui t'a dit ça? Un frère païen. On te voit comme si tu es frère. Mais tu es un païen. Haut niveau. Fais aux Zoko nani. C'est lui qui nous connaît bien. C'est le Seigneur. Tu peux tromper ton pasteur. Tu peux tromper le diacre. Mais le Dieu du ciel. Shalom papa. Shalom papa. Que Dieu vous bénisse. Elle part à l'hôtel. Mais elle salit les gens. Que Dieu vous bénisse. Avec une robe là très longue. Les meilleures prostituées. Les meilleurs, ce sont nos sœurs du message. Ce sont des meilleurs. Parce que tu n'auras pas l'idée qu'elle part là où elle part. Elle est d'abord bien habillée, décemment, avec ses cheveux bien arrachés. Parfois aussi, elle chante. Jésus est en Akuya. Alléluia. Jésus est en Akuya. Jésus revient. Jésus est en Akuya. En route pour l'hôtel. Donc Jésus va venir là-bas. Jésus attaque quoi avec l'hôtel? Partout tu commets le péché. Fais-y autre part on a fait un zam. Dieu a des témoins. Mungu est en Abashuda. Ah. Partout où tu commets le péché, Dieu a les témoins. Dans la chambre de l'hôtel là-bas, il y a les moustiques. Chérie, ici tu n'as pas choisi un très bon hôtel. Hein. Ici il y a les moustiques. Hein. J'ai le Géco. Oh, hey, Géco. Géco. Ah, ici c'est pas propre. Hein. Akuna safi. Géco, en train de regarder l'homme créé à l'image de Dieu, en train de commettre l'adultère. Les moustiques, en train de tournoyer. Oui, Seigneur, regarde la personne que tu as créée à ton image, ce qu'elle est en train de faire. Si tu m'avais créé homme, je n'allais pas faire ça. Ah, ici personne ne me voit. Ah, huko hakuna mtu ananiona. Papa Mbala ne vient souvent dans cette direction. Anakuyaka muinjia. Non, on va quitter Kambov. Tutatoka Mkambov. On va se croiser à Likasi. Tukutane kulikasi. Frère, tu démarres ton véhicule. Unawakisha gari yako. Pour aller commettre les péchés. Et le Dieu du ciel te protège. Anakuchunga munjia. Eh! Ah? Sera au matin à bis. Dada unapanda mubis. Poge sera kindumba na likasi. Kufanya bundumba. Ofuti pe transport. Unaripa na transport. Jésus te dit, eh? Yesu anakuambia. Yaka tobongisa. Uya tutusikilizane. Yaka bobongisa. Uya tutengeneze. La Bible te dit. Biblia inakuambia. Jeune. Mukiana. Ecclésiaste 12 premier. Mubiri 12 mustari ya kwanza. Ecclésiaste 12. Mubiri sura 12. Premier. Mustari ya. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça, Jésus, ce matin? Tunaweza kusikilizana Yesu asubuhi ya leo. Fais si tu regardes ta vie. Ukiangalia maisha. Nous sommes à la fin de l'année. Tunashofika mwisho. Il nous reste presque un mois. Unabakia tu mwezi. Si Jésus venait. Kama Yesu akikuja. Tu vas partir? Eti utaenda. Nenye hôtel la vie na yo. Unaangalia tu maisha. La manière tu as de travailler. Kama na hilo kuna tumika. Tu travailles pour qui? Eti unatumikia nani? Est-ce que tu es ici? Que tu travailles pour Jésus? Ya kwamba unamtumikia Yesu. Selon les œuvres que tu es en train de produire. Matendo, tu travailles pour le Seigneur? Et unamtumikia Mungu. Jeune homme. OK. Kiana mwanaume. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Ujifurahishe umbuyana wako. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Merci papa. Utowe masiku yako ya buyana umfura. Jeune. Kiana. Réjouis-toi. Ufuraike, ufurai. Dans ta jeunesse. Na buyana wako. Frère, tu as écouté? Ndugu unasikia? Sœur jeune. Dada kiana. Tu as écouté? Eti unasikia? Amen. Amena. Ne dors pas parce que je vais te réveiller, je vois tout le monde. Apana kulala, juu mtakulamusha ni unaona bana. Jeune, jeune, jeune. Kiana, kiana. Réjouis-toi. Ufurai. Dans ta jeunesse. Mubuyana yako mule. C'est Dieu qui est en train de te dire. Ni Mungu leko nakwambia. Réjouis-toi. Ufurai. C'est écriture. Ni andiko. C'est pas seulement les jeunes. Aina paka babiana. Il y a des papas. Kuku na ba papa. Qui ont des cheveux blancs. Beko na manyele mweupe. En âge, c'est un papa. Mumiaka ni baba abo tu. Dans la mentalité, walakini mwakivi. C'est un jeune. Eno onekana tu nikiana. Comment un papa? Namuna kani baba. Comme mon père Ngoindai. Baba yabo sango inda. Va s'agenouiller. Enda twange magoti. Devant une fille. Mbele ya binti. De 12 ans. Wa miaka 12. Bébé. Ah bébé. Ah bébé. Eh bébé. Pardon bébé. Ah, un papa. Ki baba yabo. De 70 ans. Devant une fille. Mbele ya binti. De 15 ans. Wa miaka 15. Bébé. Bébé. Comme ça. Anatwanga magoti. Frère, quelle bassesse. Ah, kurishusha kani kule. Quelle bêtise. Buchafu kani bule. Ah, bouwelewele kani. Quelle bêtise, frère! Ah, bouwelewele kani. Bébé, tu demandes quoi? Bébé, on a l'omba nini. Moi j'ai dit téléphone. Mina sema téléphone. iPhone 12. iPhone 12. Bon, quand on va me payer, pale bataniripa, je vais faire un virement. Ta kutumia fez. Ah, telema. Shimama. Merci bébé. Asanti bébé. Moi on a 12 ans. Mutoto a 12 ans. Avec un papa. Naki baba yabo. De 70 ans. Frère du message. Nduku wa ujumbe. Dans ta maison, yako, tu es Goliath. Uku Goliath. Tu ne parles jamais avec les enfants. Tu ne souris jamais avec les enfants. Mais dans la rue, tu es papa bonheur. Uku papa bonheur. C'est là où tu distribues l'argent. Quand tu viens à la maison, même si les enfants étaient dans la joie, quand ils te voient, éteins la télévision, Mobutu, Mobutu. Mufunge télévision, Mobutu, anakuya, mufunge. Non, tu crois, tu penses que les enfants crient, Mobutu? Bon, c'est leur jeu. On t'a déjà surnommé Mobutu. Papa Mobutu. À la maison, tu es Goliath. Les enfants ne peuvent pas regarder la télé. Ta femme ne peut pas sourire. Les enfants sont mal à l'aise dans leur propre maison. Mais dans la rue, avec le tchèl, Basia Ndumba, Papa Bonheur. Papa Bonheur. Réjouis-toi. Livre ton cœur, ma sœur. Toa moyo wako, dada. Livre ton cœur. L'air et téléphone. Ma téléphone le téléphone de sœur. Ma téléphone abadada. Tu ne peux pas toucher. Awezi kuigusa. Ah, rien. Apana, apana. Ata. Le téléphone. Ma téléphone yabo. Si on disait seulement maintenant. Prenons nos téléphones ici. Ma téléphone yetu hii. Donnez au diac. Qu'on ouvre nos codes. Qu'on regarde nos messages. Sur WhatsApp. Mama. Mamba. Tu feras une crise. Utapike crise. Parce que ce que ton enfant écrit. Tu, kile mtoto wako et ce qu'il fait. Na bile kunafanya. Ogokwe ya hao. Unaweza kuanguka hapa. Tu vas tomber. Utanguka. Et tu vas faire une crise. Et tu vas te demander. Utajiuliza. Ça c'est ma fille. Ou bien c'est pas elle. Awa ana ye. Pourquoi ils sont toujours dans leur chambre? Elles font quoi dans leur chambre? Elles regardent quoi dans leur chambre? Bintu kani machumba yabo mule. Tu veux aller au ciel? Unapenda kwenda kumbingu. Le téléphone. Ma téléphone. C'est bien. Iko mzuri. Mais si tu l'utilises mal, kama unaitumikisha mubaya, cela devient un péché. Inakuwa zambi. Fais-moi le téléphone ici. Téléphone hii. C'est WhatsApp et YouTube, regardez les prédications, c'est fini. Ni WhatsApp na YouTube ndio kuafuata mahubiri kunaisha. Comment il sert? Namuna kanidada. Des messages. Wa ujumbe. Tu prends des photos. Unabeba mafoto yako. De ta nidité. Ya utupu yako. Tu envoies chez un frère. Unatumia yo. Frère, ça c'est pas la sorcellerie. Iti, aina bulozi ubu. Tu n'es pas sorcier. Eti, auna mulozi. Tu vois comment tu es calme. Unaona vile unekala kimya. Ton propre corps. Mwili yako mwenyewe. Si un homme t'aime. Kama mwanaume anakupenda. Il va t'épouser. Atakuoa. C'est pas en envoyant des photos. Hapana mtu. Que le frère va t'épouser. Sio pale atakuoa, hapana. Prenons le téléphone. Frère, si je dirais prenons le téléphone. Nikisema sasa tubebe ma téléphone. Les téléphones vont disparaître. Ma téléphone nyingine tapotea hapa. Ça va disparaître. Nyingine tutaiona. WhatsApp. WhatsApp. Code. Anaweka po code. Message. Mama message. Code. Anaweka mu code juu shi. Entrant et sorti. Kuingia na kutoka. Code. Anaweka po code. Kae cause. Wakati bobe naongea. Tu ne peux pas écouter. Hawezi kusikia. Mais moi quand je cause au téléphone. Si wakati mimi naongea kusimu. Même si tu es loin. Ataka mau kumbali. Tu vas écouter. Utasikia. Mais quand nos sœurs de Kilelo cause. Wakati tu balewe ni kama inasumbulia. Nos sœurs d'aujourd'hui. Ah dada yetu balewe. Tu n'écouteras rien. Hautasikia pale unasumbulia. Allô? Allô? Ka sauti ka chini. Hapana. No. Mm. No. Oui, oui. Oui. Merci, merci. Asanti. Moi aussi. Un ami, hein. Non. Apan, apan. Andio. Ça va. Muzuri. Tu te réponds quoi? Huku najibu kubintu kani? Et tu dis quoi? Na huku nasema bintu kani? Elle cause toi tu es ici. Eh unasumburia wewe kupembeni. Elle est ici. Yeye pembeni na wewe. Tu ne vas rien comprendre. Hata shikia mo kintu. Une chrétienne qui veut aller au ciel. Le ciel de qui, frère? Notre ciel, nous le croyons, frère. Je n'irai pas. Soko lingi, salalola na yo. O bengi sa Yesu, ayabo vanda na ye. Me o ya biso, oko kendete. Si tu ne te répands pas, ce matin, je ne partirai pas. Sala lola na yo, obeyi sa Yesu, ayako inogire, bovanda na ye. Mwikale na ye mumbingu yako. Frère du message. Mais nous faisons la honte de la parole, frère. Tunaleta haya kuneno nduku. Comme si le message inakuwa sa ujumbe n'a plus d'efficacité. Aina tena na nguvu. À cause de nos mauvaises vies. Juu ya maisha yetu ya mbaya. Les gens commencent à dénigrer le message. Bantu bananza. À cause de nos vies. Ujumbe. À cause de nos péchés. Juu ya maisha yetu, juu ya zambi yetu. Ah, message la mino. Na ujumbe nakala, nakala. Zamania, zamania. Ah, isara ki bien. Le message ya lelo. Ujumbe ya lelo. Frère, la parole ne change pas. Neno la Mungu haibadilike nduku. C'est nous les hommes qui changeons. Dieu ne change pas. Mungu ya shibadirike. Frère, si Dieu a tué Sodome et Gomorrhe, cet âge aussi, il va le faire. Atafuanya paka vile. Ananias et Saphir. Ananias na Saphira. Un seul péché. Dieu les a tués. Sur place. Paka pale. À combien plus forte raison. Ce que toi tu fais. Tu avortes. Tu voles. Tu fais tout ce que tu fais. Et Dieu te laisse en vie. Na Mungu akwache mujimba. Tu crois que Dieu a oublié? C'est toi qui as oublié. Dieu n'a pas oublié. Jusqu'aujourd'hui. Tes péchés sont quelque part. Répands-toi ce matin. Tes péchés sont quelque part. Yo pesa ki Yesu mbongo. Wewe umpatia Yesu franga. Feza. Si toi tu ne vas pas au ciel. Kama wewe uende kumbingu. Ça va changer quoi? Bitabadilisha kitu gani? Ma sœur, si tu ne vas pas au ciel. Kama wewe uende kumbingu. Ça va changer quoi? Bitabadilisha nini? Jésus ne sera plus Dieu. Eti Yesu hasta kwa Mungu tena. Le ciel va tomber. Bingu itanguka. Avant que tu ne sois né. Mbele ya wewe kuzaliwa. Jésus était Jésus. Yesu alikuwa paka Yesu. Même si tu ne vas pas au ciel. Hata kama wewe Jésus ne sera Jésus. Yesu atabakia paka Yesu. C'est toi qui cherches à aller au ciel. Wewe njoo unatafuta wewe. Jésus vit déjà au ciel. Yesu yeko nekana déjà kumbingu. Et nous qui croyons sincèrement, nous irons au ciel. Tutenda kumbingu. Frère, tu fais l'hypocrisie. Ndugu unafanya bunafiki. Dans la parole. Muneno la Mungu. L'hypocrisie, frère. Bunafiki nduku. Eloko ile kima be. Kitu kibaya sana. Lokola hypocrisie zati. Ah, kushindia unafiki akina. C'est un mauvais démon. Ni démon mbaya sana. Tu embrasses ton frère. Unakumbatia mais tu parles mal de lui. Tu embrasses ta sœur. Mais tu la critiques. Tu embrasses ta sœur. Mais au fond de toi. Mundani ya upana ya moyo wako. Alakisaka nini ngo? Anaoneshaka nini? Mais tu viens de l'embrasser. Unatoka umpoke. Wakati ya nini? Tu rentres avec ton ami. Unarudia na rafiki yako. Elle commence à changer. Ananza badilika yako, eh? Ça va. Ah mzuri. Mais son mari no? Eh bwana yake. On a commencé de le payer. Ah bananza muripa. Ah. On les avait dit ici c'est Kambove. Ah ni Mkambove. On est de rester au village. Bari ya kubakia kumukini. Eh, ils veulent venir. Bwana anapenda kwa kukana kwa sisi au village. Bwana wazia sasa huku ni kumukini. Mais tu viens d'embrasser ta sœur. Après avoir parti, il a poignardé par les dos. Mais ici, tu viens chanter. Jésus revient. Répands-toi ce matin. Jésus te dit Yakananu. To solo la. Sir, yaka solo la na Yesu. Ata ulongola basemi. Yaka bo solo la. Kuya msikilizane muongee naye. Ini mama tumoyo ses amis barafiki yake. Ce sont des filles comme ma petite sœur là. Ni ba binti sa ule mlokwa ngu ule. Mama de 60 ans. Mama wa miaka 60. Ses camarades. Barafiki yake. Ce sont des filles de 12 ans. Ni ba binti ya. Bosolo la kanini na bana 12 ans. Unasumburiaka nabo nini bale batoto? On a pesa ka bongo conseil. Wo mina wapatia ka shauri. Tu connais unajua que cette petite fille binti, sort avec frère tel. Na c'est toi qui encadre. Oye bien. Mwile mambo. Oyebi bien. Unayua Jehovah ndiwana. Oyebi. Na pale unekala, unayua. Même si tu fais semblant. Mais ta conscience zamiria, dit que c'est vrai. Unasema ni kweli. Nous allons au ciel. Tunenda kumbingu. Avec cette vie. Na ile maisha. Ta vie maisha yako est en train de repousser iko na sukuma les gens à la place de croire la parole mais ta vie repousse les autres ina sukuma vengine je vais venir dans votre église mais quand je regarde votre frère wakati mimi naangalia ndugu yenu ule il sort avec notre voisine bana tembea kana ule binti wa frère le message frère ndugu wa ujumbe ndugu frère ndugu au travail, c'est toi qui falsifies les signatures. On a badirisha masaidi. Oza moibi. Huko mwizi. Na musala. Mukazi. Oza falsifie signatures. On a badirisha masaidi. Le ciel où tu veux partir de qui? Bada mumbingu mulo unapenda yana kwenda yanani? Serve parce que ton mari dada jo a un véhicule. Wanako yuko na gari. Tu négliges les autres. Una beula bengine. Dans cette église, c'est nous. Dans cette église, c'est nous. Sœur, depuis que ton mari a un véhicule, tu ne peux plus saluer les autres sœurs. Quand ils sortent, tu montes. Jambo, dada. Ah, bonjour, ma sœur. Tu ne peux plus descendre. Hautashuka tena mgari unaanza walamkia. Les véhicules vont rester. Magari tabakia. Les vestes ici, ça va rester. Makoti tabakia. Quand tu mourras, wakati utakufa. Même tes propres habits. Ata mavazi. On ne te les mettra plus. On va t'acheter une nouvelle veste. Atakuzia nkoti mupia. Ta propre chambre. Qui ne va plus rentrer là-bas. Si tu sors, tu sors pour des bons. Pourquoi tu es orgueilleux à cause d'un véhicule? Tu es orgueilleux à cause d'une moto. Tu es orgueilleux à cause des carreaux. Tu es orgueilleux à cause des chaises de divan. Des canapés. Dans cette église. Moi quand je m'habille, mais qui moi je ne porte pas les robes de ces gilets là. Moi mon mari, mais commande ça Lubumbashi. Anai commanda kaku Lubumbashi. Ata e uta kana Afrique d'ici. Ata kame natoka kwa. Ata e uta kaya Tanzania. Ata inatoka kwa Amerika. Tiye kini moti de te. Uko tu kifulushi ya Lubumbashi. Uko kufa na yokaka. Uta kufuaka na we paka. Vanité de vanité. Ubatili mutupu. Ufuguza kwa pepo. Ata moi si à Obama mutatinde liyo. Ata kama ni bibu wa Obama. Toza na probleme te. Atuna na mambo. Non, notre problème, c'est que tu es le Saint-Esprit. Ye wala nde moi si à kilo. Ah, ule njo mwanamuke wa bei. Moi si à kilo eza choko te. Mwanamuke wa bei haina kutakata pa. Ah. Moi si à kilo mwanamuke wa bei eza choko te. Haina kutakata. Moi si à kilo mwanamuke wa bei eza bazente. Haina mabazai. Super wax. Super wax. Le moi si à kilo njo mwanamuke wa bei. Talon. Mao talon. Moi si à kilo mwanamuke wa bei. C'est quand il y a le Saint-Esprit. Wakati ilo kuna la même le diable. Il te respecte. Quand il te regarde. Le diable dit. Regardez la fille de Dieu. Angalieni binti wa Mungu. Shetani anakushuhudia. Mase. Dad. Comme tu n'as pas le Saint-Esprit. Bila una Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi les hommes. Njoo kwa maana wanaume. Te suivi. Beko na kufuata bubibi. Tu n'as pas un mot à dire. Hauna haki ya kusema. Tu vends ton corps. Unauzisha mwili yako. À cause d'un téléphone. Juu ya téléphone tu ya. Téléphone nini? Itel. Téléphone gani? Kaitel. 35,000. Ya 35,000. Ya batouche. Ya ma bouton. Tu vends ton âme qui vaut 10 000 limones à cause d'un téléphone. Que Dieu nous aide, ma sœur. Nani a pesi yo ame na ye? Nani ula rukupatia nafsi yake? Osa la ngodo kola brillon. Ufanye na yo sana. Ton âme n'est pas un brillon. Nafsi yako haina bichezesha. Jésus a besoin de ton âme. Yesu anahitaji. Mais regarde comment tu joues avec ton âme. Angara vile uko nacheza na nafsi yako. Eh. Après cette vie. Kisha hii maisha. Ya hii notre vie. Kuku mabujima mwingine. Uko kendelola. Utenda kumbingu. Naboye. Muina muna. Oko kendelola. Beti utenda kumbingu. Lola oya nani? Mbingu ya nani? Oya Yesu. Ya Yesu. Oya bandimi. Ya bamini. Ya bakuaya. Ya bamini. Tere lola. Mbingu. Ele kiki chasa na kitoko. Inashindia kichasa. Lola ele kika mbove na elengi. Chasa inapita buzi. Lola ele kita zini. Mbingu inapita. Ele ki France. Inapita France. Lava o ciel. Ule kumbingu. L'architecte. Mutungaji. L'architecte. Mwenye mutungaji. C'est lui-même Dieu. Mwenye Mungu. C'est lui-même. Frère, il nous attend. Même ce matin. Si tu veux aller avec nous, réponds-toi seulement. Reconnaître que le Dieu du ciel, c'est le véritable Dieu. Il peut me pardonner malgré mes péchés. Si je viens sincèrement, Jésus va me pardonner. Est-ce que tu crois à ça? Jésus veut te pardonner ce matin. Il a besoin de toi. Frère, le péché Zambi, et qui misakata joie du sali. Quand il y a des péchés, c'est Zambi, comme si tu as un fardeau. Tu essaies de prier comme ça. Kuomba, le diable vient. Ah, regarde. Tu as commis adultère. Tu as menti. Urlanda. Et ça te décourage. Et ce matin, répands-toi. Jésus te cherche. Jésus a bomela yo nani? Yesu arikuwia nani? Nani Yesu abomela yo? Nani ule Yesu arikuwia? Ema se? Hey, dada yangu. Yesu asala yo nini? Yesu arikufanya ko nini? Nini asala yo? Ni nini ila arikufanya? Abomela yo nani? Arikuwia nani? Kozo ngisela ye mabe? Juu mulurishe bibaya. Abambala, prends encore Jacques, 1er 23. Jacobo, wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 12. Est-ce que l'église est avec moi? Les dormeurs ne dormez pas. Moi, va kulala, le péché fait dormir aussi. Zambi inaletaka buzito. Quand il y a des péchés, wakati kuna zambi, tu es lourd. Unakuwa wa buzito. Comment toi qui manges la parole de Dieu qui est fraîche et puis tu es en train de dormir? Tu as des démons? Tu n'es pas normal? Il y a quelque chose qui ne va pas? L'ouvrier mérite ton salaire. Il y aura un jour ozolala na balikon kuna okweiti na se. Il y aura un jour, ozolala na kiti wana, osali boye, okwei na sima, et tu auras la honte. Je crois que tu ne dormiras plus jusqu'à l'enlèvement. Jacques 7, 23. 23. Jacques 7, Jacques 1er 23. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, okay. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, oui, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Merci, papa. Amen. Amen. Amen. Amen. Ne sois pas comme ça, comme cette écriture. Tu écoutes la parole, mais tu ne le mets pas en pratique. Tu es comparable à un homme qui regarde son visage dans un miroir et après avoir regardé, il s'en va et il oublie que j'avais mis une cravate comme ça. Bon, je vous pose une question. Nini comme ça kabasi kitoko? Ni nini nafanshishaka banamuke bakwe bazuri? Sir, nini comme ça kabino kitoko? Ni nini na mifanshishaka mkwe bazuri badada? Oye komi sakabino kitoko wana. Mifashija katu mkwe bazuri. Eza nini? Ni bintu gani? He? Eh? Mungu. Ah. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse. Eloke komi sakabaseri kitoko. Nila nafanshaka badada bakwe bazuri. Miroir. Niki. Tala na basera basaki. Basaki ya basera. Mama sakoshi ya badada. Morso ya miroir. Mungu kipande ya kio. Iko zangati. Aitapusa rikalashi. C'est pourquoi les femmes, quand elles marchent, elles marchent. Elles s'arrêtent un peu. Kwanza. Ananzo jiangalia mukio, murikalashi. Anajipuputa, anajitengeneza, anajipodo. Pourquoi? Juu ya nini? Elle veut paraître toujours belle. Anapenda tokele paka mzuri. Maintenant les païennes, Sasa batoto banamuke bapakana. Leur figure. Uso yabo. Ils ne peuvent pas essuyer comme ça. Avez upanguza hivi na mshwari hivi hapa. Ni ovini yose ekolongwa. Pardon? Le fond éteint. Ah, imbile biota ripakana. Bitatoka. Si elle fait ça. Gamba kipanguza muuso. Le fond éteint va partir. Ma fond de teint itamutoka. Si elle veut, s'essuyer la figure. Anapenda kulipanguza muuso. C'est comme ça. Nive. Et on a tamponné. On a tamponné. On a tamponné. On a dit tanta. On a tanta. On a dit tanta. On a dit fienta. Là, elle suit son figure. Sa figure. On a panguza uso. Et là, comme ça, là-bas, c'est kitoko. Il est la fachada, on a mouke bakwe barembo. Les amiroirs. Ni rikalashi. Maintenant, nous aussi. Nous avons notre miroir. On a kio yetu. Alléluia. Amen. Notre miroir. Kio yetu. C'est la Bible. Biblia. C'est ça notre miroir. Kio yetu. Maintenant, ce matin, notre miroir te dit que la publicité, c'est un péché. L'adultère, c'est un péché. Voler, c'est un péché. Tu veux ressortir comme ça? On a peine d'autoque pas qu'à filer. Olingobi, ma gaga bongo. On a peine d'autoque pas qu'à filer. Miroir est là qui suit. Kio na kwa. Te kotonga isamabe. Ya kwamba kushima. Koiba isamabe. Koiba numbaya. Olingoke ndekaga bongo. On a peine d'autoque pas qu'à filer. Parce que quand tu as les bongo, il a un miroir. Tu angaria maisha. Olie pondu. Kio unakula chombe. Olite minu na ngai zera pondu. Amen. Meno yangu iko na. Ogolongola. Na sombe utaitosha. Amen. Amen. Bela la parole. Sasa nene. C'est notre miroir. Jo kio yetu. Ela kisi yoke. Inakuonesha kwamba n'est pas en ordre avec Dieu. Na Mungu. Olingo kende kaka bongo. Unapenda uende pake hivi. Jésus te dit. Yesu anakuambia. Yaka. Kuja. Tosolola. Tusikilizane, tuonge. Alléluia. Amen. Jésus te cherche. Yesu anakutafuta. Malgré ce que tu as fait. Ijapokuwa vile ulifanya. Jésus te dit viens. Yesu anakuambia kuja. Kobanga te. Usiogope. Tokosolola. Tutaongea. Et je vais te pardonner. Nitakusamehe. Na kota koral. Ngeo koral. Pona zwa libala. Juu nipate ndoba niyo. Mokobala te. Habata kuowa. Soko yaki na motifi wana. Kaba urukua na hile kifuguzio. Wokotula. Ah, utachelewa. Wokotula. Utachelewa. Wokofanda, ufandi, ufandi. Utekala nye, we. Obaye koral. Unachoka na kwaya. Obimi. Unatoka. Yo moko. We mwenyewe. Sero yemba kasute ah. Na wimbake tena. Kolo misala tru. Haima siku kazi. Oyela kilibala. Ulikuwa jua kutafuta. Ozuite. Haupate ozongi. Unatoka unenda. Amen. Amina. Isaï. Isaya. Isaï 29. Isaya sura 29:9. 29:15. 29:9-15. Alors je vais bientôt terminer. Malheur à ceux qui cachent leur dessein. Ok, merci, papa. Arrêtez un peu là-bas. Les desseins, c'est quoi? Ce sont des choses que tu gardes dans ton cœur. Que tu ne peux pas faire sortir. Masumu nanga oyo. Makambu nanga oyo. Nakoyebisa mutute. Même si mon pasteur, pasteur je mourrai avec toi et moi, on va s'arranger seulement au ciel. Le ciel de qui? Avec ton frère. Boyo kanakate. Est-ce que ceux qui vont couper ni la lola? Mama munakutana kumbingu. Boko pesa lambo tete. Amuta la mukiana. Hein? Hein? Toi et ta sœur. Oui, na dada yako. Boyo mara koral moko. Muna imba nae kwa ya moe. Boyo kanakate. Amusikilizana. Et quand vous allez vous retrouver au ciel. Wakati mutakutana kumbingu. Vous n'allez pas vous saluer. Eti amuta salimiana. Bobo ngisana noa. Mutengeneze hapa. Tengeneza hapa. Mbobo ngisa. Avato kende lola. Mbobo ngisa nanu. Ifo repare. Serfiero sera kaya pamba. Fier au salakaya pamba. Fieri unafanya ni yabule. Les jours de ta mort. Siku ya kufa. On va prendre les planches. Batabeba ma planche. Basale ngomo rabotage. Ambao wanetengeneza tengeneza. Bache mwa kule. Wanaweka kwa marangi. Bache una kazi. Wanakuweka mwile mambao. Metala fieri uzosa. Angara fieri unayo hii. Les jours de ta mort. Siku ya kufa kwako. Mtu mususa kwa shokola. Mtu mwingine njua atakunawisha. Les jours de ta mort. Siku ya wewe kufa. Mtu mususa kolete yo bila mwa. Mtu mwingine njua atakufika mavazi. Les jours de ta mort. Siku ya wewe kufa. Mtu mususa kolete yo baga. Mtu mwingine njua atakufika mavazi. Les jours de ta mort. Siku ya wewe kufa. Watu mizuzu ngeba komema yo. Watu wengine njua watakubeba. Ego zala yo mokote. Haitakuwa wewe mwenyewe. Bere gade kwa mati neglige les autres. Vile unazula bengine. Les jours de ta mort. Siku ya wewe. Watu mizuzu ngeba kochela yo katafali. Watu wengine njua watakuweka katafali. Les jours de ta mort. Siku ya wewe kufa. Watu mizuzu ngeba kotokisela yo kafe. Watu wengine njua watakutokotisha kafe. Mais pourquoi tu es orgueilleux? Sasa juu ya nini uko kiburi? Pourquoi tu es orgueilleux? Ya nini una kiburi majivuno? Ce matin. Asubuhi ya leo. Arrange ta vie. Tengeneza maisha yako. Allons-y papa. Tuendelee papa. Malheur à ceux qui cachent leur dessein. Wole wa wenye kuficha makusudi yabo. Pour les dérober à l'Éternel. Vya kuificha mbele ya Bwana. Qui font leurs œuvres dans les ténèbres. Merci. Wenye kufanya matendo yabo mumagiza. Comment un chrétien? Namuna kani mu Kristo. Une chrétienne. Mwanamke mu Kristo. Des œuvres. Matendo yako. Toujours dans les ténèbres. Unafanya paka kuweushi kwa. Une sœur. Dada. Avec un frère. Na nduku moye. Dans des coins. Muma pembeni pembeni. Non, si tu m'aimes, si tu m'aimes réellement, tu pour que je sache que tu m'aimes, viens chez moi. C'est, dada, dis au frère, mbienduku, je t'aime, kupenda, mais je ne viens pas. Alakini, à cause de la parole, ya neno la je ne viendrai pas. Allez-y. Wendele. Et qui disent, na benye kusema, qui nous voit et qui connaît. Nani ananijua na nani anajua? Tu fais tes péchés. Unafanya mazambi zako. Tu te regardes. Unajangalia. Là où je suis. Huko niko. Qui me voit? Nani yule ananiona? Et qui me connaît? Na nani yule ananijua? Il y a quelqu'un. Huko mmoja. Qui voit? Ule konaona. Même dans l'eau. Hata mumaji. Il y a quelqu'un. Huko mmoja. Qui voit même tes pensées? Ule konaona. Même ce matin. Il voit. Leo yako naona mawazo yako. Frère, Nduku, les habits, mavazi, c'est pour toi. Ni yako. Les vestes, makoti, c'est pour toi. Ni yako wewe. Les chaussures, maviaku, c'est pour toi. Ni vyako. Les talons, matalon, c'est pour toi. Ni yako wewe. Mais les souffles de vie, alakini pumzi, c'est pas pour toi. Aina yako. C'est pour quelqu'un. Ya mtu mmoja. Il peut décider quand il veut. Même ce matin, après culte, il peut décider. Les véhicules, frère, magari, c'est pour toi. Niyako. Le travail, gazi, c'est pour toi. Niyako nduku. Quand tu mourras, ta famille, jamaa yako. Viendront récupérer les habits. Quand tu mourras, ta famille viendront récupérer les chaussures. Ma sœur, quand tu mourras, ta famille, même les foulards, ils vont récupérer. Mais il y aura quelque chose que ta famille ne va pas récupérer. Qui va récupérer les conteneurs de tes péchés? Qui va les récupérer? Tes péchés non confessés. Tes péchés que tu as commis. Qui va les récupérer? Est-ce que tu connais un dépôt? Où on dépose les péchés? Quand tu vas mourir, tu vas les déposer ça là-bas. Toi et ton bokilo. Les mamans de ton mari. Pourquoi? Le mama de ton mari, mama wa bwana yako, même si azaki zengi, hata kama yako wa ovyo, même si c'est une sorcière, hata kama ni mulozi, lingaye, umupende. La Bible dit, Biblia nasema, et même vos ennemis, umupende hata baadhi, même si tu sais qu'elle est sorcière, hata kama unayasa, c'est la mama de ton mari. Ni mama wa bwana yako. Quand il s'agit de ta maman, wakati ni mama yako, on envoie l'argent. Mama yako mzali, quand il s'agit de la maman de ton mari, mama wa bwana yako, tu as des programmes. Unakuwa na maprogramu. Oza payen. Uko mupaganu mwanamuke. Qui nous connaît? Nani anatujua? Je vais bientôt terminer. Kamaliza sasa hivi. Prends la brochure. Uchukue mahubiri. La puissance de Dieu pour transformer. Uwezo ya Mungu juu ya kubadilisha. Ya 1965. Ya 1965. Au paragraphe 87. Nukta makumi munane na saba. Frère Branham nous dit ceci. Dubranama tuambia hivi. Écoutez. Musikilize. Il dit. Anasema. Je sais que minajua ya kwamba vous pensez que je vous mets dans une situation délicate. Munawazia sema mimi namweka mwali mwa ya mzuri. Mais alakini je suis avec vous. Niko pamoja na mweye. Et nous sommes tous ici. Tukushibote hapa. Pour essayer de trouver ce que nous pouvons faire. Dieu kutafuta kupata kwa ile tunaweza kufanya. Alléluia. Nous sommes ici pour trouver ce que nous pouvons faire. Ile tunaweza kufanya. Nous disons pas ces choses pour nous singulariser. Quand on prêche, même nous les prédicateurs, nous sommes concernés. Même nous-mêmes, nous sommes concernés. Amen. Nous, tous, chacun d'entre nous, nous arriverons au bout de la route. Ma sœur, un jour, jour est comme un jour, mais il y aura un jour, tu arriveras au bout de ta route. Alléluia. Amen. Au bout de la route. Et nous devons rendre compte de chaque parole. C'est pourquoi prédicateur lobaka vérité na bana na nzambe. Tu rendras compte de tes prédications. Ma sœur, écoute, je vais terminer par ici. Quand nous sommes nés, wakati tunazaliwa, nous venons de lire dans Isaïe. Tunasoma Isaya. Qui me voit, qui me connaît, personne. Nani unaniona, nani maintenant, nani écoute. Sasa usikie. Quand nous sommes nés, wakati tunazaliwa, notre premier petit cri kulalamika kwetu kwa kwanza, kulia kwetu kwa kwanza, est enregistré banesha kuibamba sur une bande. Matepe mabande fulani bana ya enregistré. Est-ce que vous comprenez? Eti munaelewa? Aje oyo zanango. Banda obotama. Dangia ulizalika. Yesu Kristo. Azwabo moinayo. Banda obotama. Dangia ulizalika. A resista kango na banda. Aiko na ibamba maisha yako. Tout tes péchés. Mazambi yako yote. Banesha uibamba. Tout ce que tu as fait. Bile byote urifanya. A resista. Banesha bibamba. C'est toi qui as oublié. Regarde le ciel. Mungu wa kumbingu. Azana ngona lo. Eko nabye kule kumbingu. Pour qu'il te pardonne. Jua kuhurumie. Tu dois demander pardon. Unapasha omba buluma. C'est enregistré. Banesha kuibamba. Siri ni bande. Babande mo. Cela sera à nouveau joué. Bataiwe kaka tena siku nyingine. Au jour du jugement. Siku ya hukumu. Alléluia. Amen. Oh mon frère. Oh ndugu yangu. Bika na yonengo lingi frère. Oh kolewa vilo na. Tu es libre. Meredia di ciel. Mungu wa kumbingu. Video. Anaisha kuibamba. Tu regardes là-bas l'écran, non? Angara ku shuno na. Les jours là. Meredia di ciel. Mungu wa kumbingu. Va prendre la vidéo. Atabeba video ya. Il met là-bas. Anaiweka. Comme ça que tu regardes là-bas. Il met. Television anaiweka. Dieu merci. Présent. Devant là-bas. Mbele ya hukumu. Si je ne sais pas, nous serons assises ou je ne sais comment. Tu vas commencer à regarder ta vie. Dès ta naissance jusqu'au jour de l'enlèvement. Tu vas te regarder à l'écran. Ku television. Ukobomba mila wapi? Utafuchamia wapi? Dieu est très intelligent. Sana. Parce qu'il savait. S'il ne fait pas ça, l'homme va dire, non Seigneur, moi ça je n'ai pas fait. Ça ce n'est pas moi. Mais ce jour-là, la vidéo sera là. Oko kimela wapi? Utakimbiria wapi? Vidéo ya bomo ina. Vidéo ya maisha yako. Bazemi olongola. Mamimba rutoshaka. Vidéo. Banaiweka vidéo. L'escroquerie que tu as fait. Kuibia kuloribiaka. Vidéo. Banaweka vidéo yako. Frère, vidéo. Nduku, bataweka vidéo. Tu verras ta vie. Utoriona maisha yako. À l'écran comme ça. U television pake vitu kunaangalia. Sœur sorcière. Dada mulozi. Tu verras la vidéo. Utaona vidéo. De ta sorcellerie. Mulozi yako. Frère Branham dit. Dubranama sema. Tu seras en jugement. Utakuwa katika hukumu. Avec tes amis. Na marafiki. Les amis. Hey, na mavazi. Ma sœur. Dada. Même tes robes. Hata makanzu yako. Tu vas plaider contre tes propres robes. Utasamba ya mavazi yako. Eh. Utaria njua manguo. Ha. Utalia juu ya manguo yako ile urvalaka. No, tu vas plaider au samba. Au samba. Eh. Juu ya manguo yako. Tes propres bras. Mikono yako mwenyewe. Sera jugement contre toi-même. Itakuwa hukumu yule yako wewe mwenyewe. Seigneur, ce n'est pas moi. Bwana haina mimi. Moi je n'avais pas voulu voler. Si kupenda ke. Mais c'est lui qui m'a amené. Ah, lakini yeye ndio alinipeleka. Cette robe là. Moi je lui disais que c'est pas une bonne robe. Haina kanzu. Mais elle me disait que je porte ça. Parce que ça va attirer les garçons. Itakokota bana. Ce n'est pas moi. Haina mimi ni. C'est lui. Ni kanzu yangu. Tu seras jugement. Utakuwa katika. Et la vidéo. Kisambo na vidéo. Fais bana midi ici. Bwana amesema. Les archives, ma tepe. Les archives, ma tepe. Et tes péchés, ya ma zambi yako. Sont là-bas au ciel. Manisha kuichunga kumbingu. Tu sais qu'est-ce qu'il faut appeler archives? Unaielewa naita ma tepe. Ce sont des documents. Manake ni mabande bana ichunga. Des documents comme ça. Bana ichunga hivi mabitabu na bitabu ya maisha yako. Tes avortements. Makutosha mimba yako. C'est dans les archives de Dieu. Ichunga mbitabu ya Mungu. Jusqu'à ce matin. Dans les archives de Dieu. Mbitabu ya Mungu. C'est plein. Pour que Dieu puisse enlever ça, il faut demander pardon. Amen. Dieu te dit, il y a kato bongisa. Boko bongisa tena Yesu. Amuta sikilizana Yesu, amuta tengeneza. Soki batindi ya obo masoso. Kama wakutuma uwe nkuku. Tu as peur. Unasikia boka. Mais les avortements. Lakini kutosha mimba. Tu n'as pas peur. Aushiki yake boka kutosha mimba. Soko moni mpuku. Kama unaona mpanya. Hey! Mais les avortements, tu n'y fuis pas. Tu avortes calmement. En complicité de ta mère. Il y a des mamans qui connaissent les secrets de l'Esprit. Elles sont là. Les coopérantes. Elles connaissent. Quand papa veut parler, elle prend part pour ses filles. Non, elle était seulement ici. Non, alors quoi, pas je lui avais envoyé chez le pasteur. Tu es sûr qu'elle était chez le pasteur là. Les enfants, c'est une bénédiction. Batoto ni baraka. Mais quand tu ne prends pas soin kama de tes enfants, cela devient une malédiction. Vous serez jugé à cause de nous, vos enfants. Tu as si batoto yenu. Bana bakoma kotala ba novelas na bandaku na bino. Batoto bananzangara ma novelas ma nyumba yenu. Iyo mtu papa usombe abonnement. Wewe papa ndio una bauzia na abonnement. Usombe abonnement. Unauza abonnement. Et puis on t'appelle. Kisha banakuita. Chérie. Chérie. Eh ebandi. Inaanza. Ebandi théâtre. Seri inaanza kuangalia. Kuangalia ma seri inaanza. La sœur en train de servir son mari à la table. Ayo nampatia bwana yake chakula kumeza. Seri. Dada. Ebandi. Ma seri inaanza. Binawinguka. Angalia. Ye akobala ye. Atamoa. Mobali na yeye wana. Kisha bwana yake yeye. Kisha. Ti, qui est là-bas? Ni nani hapa? Bote. Bote. C'est là-bas pala minomai. Leo mweke bako mai. Inaanza. Inaanza seri. Série et bandi. Ma série nan. Mama. Et la cadette. Na, toute la famille. Au salon. Mama vaneka na musalon. Bazota la série. Una angaria ma série. Où y a des bisous. Mule mwe unapikana bisous. Mais demandez à vos enfants. Muulize batoto yenu. L'histoire de Moïse. Hadithi ya Musa. Personne ne connaît. Hakuna yule anayua hadithi ya Musa. L'histoire de frère Branham. Hadithi ya ndugu Branham. Personne ne connaît. Hakuna mtu anayua. L'histoire de Jean. Hadithi ya personne ne connaît. Yohana, hakuna yule. Mais l'histoire de novelas. Hadithi ya maandiko. De A à Z. Kuanzia mwanzo na mwisho banayua. On ne joue pas avec Dieu. Judas a vendu Jésus. Il a restitué même l'argent. Mais il n'a jamais été pardonné. On ne se manque pas de Dieu. Campagne d'évangélisation. Les alakala kindumbate. Ozoa ser na yo. Omema yawa. Bobo balana. Kota kala na igrizi. Ingia pa mkanisa juu. Tukubala na kuna. Tutaowana kisha. Problemi te. Hapana mambo. Mbwa botika la mbwa. Imbo atabakia imbwa. Ata ocheye parfait. Ata unampaka. Ata ulatisiye veste. Ata unamuvika. Azaga kambua. Aiko pa. Payena botika la payena. Pagano mwanamuke atabakia paka mpaka. Frere wana botika la payena. Huyu nduko atabakia. Ozo lala te. aulale bona frère via ule ndu ya paye akobala ne peyote hasta kuwa watakuwa ozana ba yesomini aupate mushingisho ozo lela ukunalia bona mobali dia bwana mema sumu nayo mzambi yako ozo lela te awiririe ce matin yakabobongisa na yesu uya musikilizana Masé, yesu yakabobongisa na yesu uya musikilizana na yesu Nalalite. Mishilale. Nalalite. Mishilale. Estoma. Estoma. Yo mwana 12 ans uzobela estoma. Mwana mtoto wa 12 ans unalukula estoma. Ya nini? Mjue ya nini? Inatokea wapi? Ma WhatsApp. Ma WhatsApp. Ebo mini bandako. Inatuwia manyumba. Ma Facebook. Ma Facebook. Ebo mini bandako. Inauwa manyumba. Mama prepare. Mama yuko napika. Elle est là-bas. Yeah, et puis la maman parle. Mama ne, elle est chante. Yeah, na imba. Azakutu kunate. Anata kule. Ça veut dire que maman loba. Ezo konte akotoyo. Ezo bima. Nikusema, mama sema. Biku nengiria uku minatokea uku. Maman parle. Mama yeko nasema. Elle est chante. Yeah, na imba. Eneme pa là-bas. Anata kule. La maman est en train de parler. Mama yeko na mushauri. Elle est chante. Yeah, na imba. Un jour, Shigumoy, tu seras maman. Utakuwa na we mama. Si Dieu tarde à venir, kama Mungu tu seras maman. Utakuwa kama et tu verras ce que ça fait être maman. Vile vitakufanya kuwa mama. Tu verras ce que ça fait. Utaona vile vinaenda être papa. Kuwa papa. Un frère vagabond. Nduku mwaka waya waya. Oluka kanini frère? Unatafuta kanini? Ozana mbongo te. Hauna na fesa. Pantalo pantalo te. Pantalo musala musala te. Kazi ya umu. Ba makangu ya nini? Ba kopine ba nini? Ya nini frère? Ju ya nini? Upesa kapango nini? Unabapachaka nini ba bala? Frère oza marie. Una ndoa. Ozo luka susu nini? Unatafuta tena nini ukuna? Oza pe frère. Uku tena uku nduku. Payente. Hauna mpagani. Il y a même des prédicateurs qui ont des petits chéris. Buna ba ubiri weko na ba bala. Prédicateur. Ubiri. Ah. Prédicateur PD. Mubiri tu PD. À la chair. Kumimbari. À la chair, on ne peut pas avoir des PD ici. Atoes kwa na ba homosexuel kumimbari. Un prédicateur homosexuel. Mubiri homosexuel. À la chair. Kumimbari. Ici, on n'a pas besoin des homosexuels. Hitaji watu si qui est homosexuel, ne nous prêche pas. Genda boya, apana kutuubiri. Amen. Amen. Yesu abomira yonani frère. Yesu arukuia nani nduku. Est-ce que tu peux réparer ta vie avec Jésus? Et tunezu tengeneza maisha yako na Yesu? Ce matin. Asubuhi ya leo. Tu peux réparer ta vie avec Jésus? Et unezu tengeneza maisha yako na Yesu? L'homme. Mutu. A tapé son créateur. Anampiga muumbaji wake. Le créateur du ciel et la terre. Muumbaji wa mbingu na dunia. Amen. Amen. Le Dieu du ciel. Mungu wa kumbingu. Qui a créé l'homme? Unaliumba mutu. L'homme. Mutu. Commence à taper son créateur. Anaanza kumupiga muumbaji wake. Jésus n'était pas malade. Yesu ashigonjwa pana. Toi quand tu es malade. Wewe wakati unagonjwa. Tonga ya pamba. Shindano tu. Balingi ko chuba yo. Unapenda kutwanga. Different disposition. Unaanza kuogopa. Zela na nzela. Achunga mbele. Pardon, chunga, zela, chunga mbele, chunga mbele. Tonga ya pamba. Ka shindano tu kabula yako. Balingi ba chuba yo. Unapenda ba. Different disposition. Unaanza kuogopa. Mais le Seigneur. Il n'était pas malade. Asikuwa mgonjwa. Il n'était pas malade. Asikuwa mgonjwa. Basi babire. Wanabeba mabire. Hallelujah. Amen. Le Dieu du ciel qui n'a rien fait. C'est toi qui as péché. Lui n'a pas péché. Jésus n'a jamais péché. Mais l'homme qu'il a créé lui-même, il a dit, on va te taper. On a tabassé Jésus. Les pierres. Ma pierre, les pierres. Ma banga. Se sont fâchés. Ils ont dit Seigneur. Pesa biso kaka. Autorisation. Donc aussi dit sa bango. Jésus les a dit. Arrêtez. Mwache. La terre s'est fâchée. Il a dit, vous ne pouvez pas tourmenter notre père. La terre s'est déchirée. La terre a dit papa. Bulongo mukasema baba. Dis le mal est mort. on va les engloutir. Le Seigneur a dit, si je ne fais pas ça, Kambove tabernacle ne sera pas sauvé. Laissez-moi mourir ici. Laissez-moi accomplir la parole. Toi, chef. Toi, tu es chef. Jésus mourait pour toi là-bas. Mais regarde ce que tu lui donnes en retour. Ce sont les péchés, la mauvaise vie. Les pierres s'est fâchée. La terre n'a pas supporté. La journée a regardé. Il a dit non, je ne peux pas voir la nudité de mon créateur. La journée s'est retirée. Alléluia. Amen. La journée s'est retirée. Il a dit la nuit, viens couvrir la nudité de mon créateur. Mais l'homme a déchiré même ses habits. Il a dit, on veut connaître. Amen. Les rideaux du temple. Où on entrait seulement une fois. C'est déchiré. Ce jour-là. Tout était fâché. Mais le Seigneur les a dit, taisez-vous. Kambove tabernacle a besoin d'être sauvé. Ce matin, Jésus sauve encore. Ce matin, Jésus délivre encore. Est-ce que tu crois que Jésus peut te pardonner? Que Jésus sauve encore? Alléluia. Amen. Est-ce que tu crois que Jésus peut te pardonner? Malgré tes péchés, Jésus sauve encore. Jésus sauve encore. Alléluia. Okay. Jésus sauve encore. Est-ce que tu crois que Jésus sauve encore? Est-ce que tu es prêt à venir au Seigneur et demander pardon? Et il va te pardonner. Il est prêt à te recevoir. Même si tes péchés sont rouges comme la cramoisie. Oh, la grâce est encore là. Alléluia. La grâce est encore là. Jésus pardonne encore. Il sauve encore. Jésus sauve encore. Alléluia. Jésus sauve encore. Ok. Jésus sauve encore. Alléluia. Oh, Jésus sauve encore. Alléluia. Oh, Jésus sauve encore. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Jésus béni encore, alléluia. Jésus béni encore, alléluia. Alléluia. Pentecôte, Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, jour de la Pentecôte, à comme ça, ma, à Saint-Jola, ma, à Népola, ma, au libéla, na libéla. A comme ça, ma, à Saint-Jola, ma, à Népola, ma, au libéla, na, au comme Jésus sauve encore. Est-ce que tu crois que Jésus sauve encore? Tu crois que